Je l'ai aperçu un soir dans la rue, c'est une inconnue qui est devenue rêve et illusion avec obsession, une apparition qui me donne des frissons. Je l'ai recherché pendant des années, une éternité sans identité. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Je l'ai retrouvé, c'était en été, j'avais oublié cette intensité. Je me suis approché, je lui ai souri, nos deux regards croisés, elle s'est attendrie. Puis on a parlé toute la soirée, et sur mon épaule elle s'est reposée. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Premier baiser, une affinité, plein de complexité. La nuit est tombée, elle est repartie, et on s'est promis une autre sortie, pour boire un café, une autre soirée, de se retrouver, parler du passé. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Le jour est venu de se retrouver, depuis que je l'ai vu entre mes pensées. Je suis arrivé dans sa petite café, elle n'est pas venue, le temps a passé. Depuis ce jour-là j'en rêve la nuit, je la cherche enfin encore aujourd'hui. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. C'est une inconnue qui est devenue comme une illusion avec obsession. Je lui ai souri, elle s'est attendrie. Puis on a parlé toute la soirée, et on s'est promis une autre sortie. Je l'avais trouvée et elle m'a quitté. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie. Toi aussi jolie, reste dans mon esprit, tu es mon envie, c'est une folie.